commentaire. Mon rap est élémentaire, c'est comme un documentaire, une info complémentaire. C'est clair que c'est pas la paix que les hommes de loi garantissent. Mais n'attends pas que la haine te freine et te ralentisse. J't'envoie des signaux, visibles comme un sémaphore. Dans le monde l'amour s'évapore, est-ce que les gens s'aiment encore? C'est dans mes veines que les peines et que les haines sont entrées. Avec un toc toxine vraiment super concentré. Toujours les mêmes leçons, les mêmes rengaines qui t'enseignent. Je te renseigne que dans mon corps, les mêmes douleurs tout le temps saignent. Ne plus croire en l'existence d'une force providentielle. Juste y croire sans douter, reste la seule chose essentielle. Je vis l'incognito, en évitant les mythos. Si les écrits sont vitaux, j'ai pas besoin d'écriteau. Le quotidien, c'est l'euphorie, la dépression qui s'alterne. Mais quand tu taffes, ton projet arrive toujours à terme. C'est ta vie, c'est ton sang, qui ne dit mot qu'on sent. Le son, ça sert d'abord à dire ce qu'on pense et ce qu'on sent. C'est pas le champagne qui coule à flot, la suite des hôtels Hilton. C'est pas les déboires, la lave de Paris Hilton. J'pense à mes potes, tous y partent, c'est pire qu'au mitard. Le soir avec ma plume sur mon cahier, j'écris tard. J'fais ça pour les proches, pour la mifa, j'représente. Si je verse une lame, jamais je la ferme, sauf quand ma rhum est présente. Le quotidien, c'est le combat, mais j'te parle pas de ce tombat. Car c'est la force de l'esprit qui gère la force de ton bras. Et si t'espères toucher du doigt toutes les places ambitieuses, on sait tous qu'elles sont mortelles, aléatoires ou vicieuses. Bannir l'oppression sans faire monter la pression. Avancer dans le bon sens, y'a toujours pas d'expression. Car la pression qui pèse rend les choses impossibles. Et pourtant, main tu t'aimes chaque jour pour faire ton possible. Y'a des choses qui tiennent à cœur, mais y'a des choses qui t'écœurent. Y'a des man pas vraiment cool, c'est pas Forest ou tes cœurs. Alors mon crew ne plie pas, et mon flow ne fuit pas. Au système, j'ai trop de mal et mon cerveau s'imprime pas.